Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd. Beethoven, sourd. Et sourd des deux oreilles. Oui. Oui, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Beethoven. Non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. Oui. Bon. Alors, c'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Bon, ben, alors, faut pas dire ça. Quoi, ça? Ben, ce que vous dites. Quoi, il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive quelque chose, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles. Pour pas entendre les autos, le raffut qu'elles font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles? Les oreilles? Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout. Moi? Mais oui, vous, parfaitement, ne faites pas la bête. Beethoven, moi? Vous, oui, pas Beethoven, bien sûr, vous. Ah, mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Oh, ben, je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement, vous faites comme lui. Pour écrire? Pour écrire, oui. Vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oui. Bon, oh ben, ça, naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit, alors. Mais de là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites. Il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant, parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, et ben, ce que vous écrivez... Hein. C'est pas de la musique. Pas de la musique. Non. Non. Bon, ben, c'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Eh oui. Oh, mais remarquez. Oh, c'est joli quand même. Oui. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non. Vous ne me faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Oh. Hein? Que vous dites? Et ce qui prouve bien que j'ai raison, c'est que Bach, hein? Bach. Jean-Sébastien. Bach, oui, ben. Eh ben, il n'était pas sourd. Non, mais non. Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un classique. C'est un classique, Bach. Bach. Tandis que Beethoven... C'est le contraire. Ah, voilà, c'est le contraire, Beethoven, Bach. Pas exactement. Non, Bach, non. Bach... Le contraire. De Beethoven... Bach, non. Non. Non, c'est de la musique quand même. Oh. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, bah, tous les deux. C'est de la musique. D'ailleurs... Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait... Quand il avait l'âge de Bach. Eh bien, Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Non, du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Oh, plus que cela, deux, trois, quatre mouches, il aurait entendu voler. Ouais, oh, surtout qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Oui. Ah. Enfin, oui. Tout ça, c'est de l'histoire, c'est de la musicologie, on ne va pas discuter. Non, du moment que nous, on n'est pas sourds, c'est ça qui...